combat aveuglé. On représente ça, tu sais, c'est ça. On va pas se laisser faire, ce sera jamais faire. Attends, je t'explique. Comme un renard, j'arrive, mon rap libre comme le vent. Micro en main, comme un katana, Babylone t'entend. Parti en guerre une nouvelle fois contre ton pouvoir. Tes basses malversations n'échappent pas au savoir. Du hip-hop, des bas-fonds qui agit et s'instruit. Là où tes médias ne nous ont pas endormis, non. Là où ils parlent pas de l'homme de l'ombre, de Sarkozy. Franck-Georges Wisner, conseiller conservateur. Dans l'ombre de l'ascension du président français. Marié de sa belle-mère, Christine de Ganay. Wisner est cofondateur de la CIA, ouais. Et s'implique dans ta république. Eh français, tu dors. Il est peut-être temps de te réveiller. Ta France maçonnique se dirige en 33 degrés. De diverses loges qui se divisent pour mieux régner. Philosophie, non, groupe d'intérêt foncier. Qui dirige le monde, ça t'inquiète, on le sait pas. Ah ouais. Qui finance les guerres, ça t'inquiète, on le voit pas. On le voit pas, Mac. Qui met en place les dictateurs, ça t'inquiète, on le dit pas. Non, non, on le dit pas, ça. La censure est présente, ça t'inquiète, on le sent pas. Et qui emmerde le CSA, c'est moi, tu sais ça. Le génocide d'Auschwitz a créé des bénéfices. Et sais-tu que Fritz Thyssen et UBC ont empoché? Sais-tu que Prescott Bush était bien plus qu'impliqué? Squat la dit, je sais, je vais qu'appuyer, c'est fait. En fait, l'histoire n'est qu'une putain de plaisanterie. Et le peuple aveuglé lui suit comme une brebis. Aveuglé peut-être où on aime se faire enculer. Comme la victoire des xénophobes, de Blücher et UDC. Des néo-nazis au pouvoir du gouvernement suisse. Ah ouais. Dans un pays qui exhibe la mort et l'or des juifs. Y'a les paradis fiscaux et nous la misère sans euros. La crise ne perturbe pas les bourgeois de Monaco. Ni même les organisateurs d'un nouvel ordre mondial. Apprends que CFR est commission trilatérale. On transforme le monde en univers carcéral. Contrôlant médias et banques, plus dangereux qu'une balle. Qui dirige le monde, ça t'inquiète, on le sait pas. Ah ouais. Qui finance les guerres, ça t'inquiète, on le voit pas. Tu le sais ça. Qui met en place les dictateurs, ça t'inquiète, on le dit pas. Non, on le dit pas ça. La censure est présente, ça t'inquiète, on le sent pas. Et qui emmerde le CSA, c'est moi, tu sais ça. Tu comprendras maintenant pourquoi mon rap n'est jamais cool. Le underground existe quand le monde part en couille. De la politique aux finances à l'écologie, ça craint. On prépare tous une belle merde pour le monde de demain. Les hommes politiques conspirent magouille pour leur empire. Se soucient-ils vraiment de qui va vivre ou mourir? Je suis pas là pour la morale mais pour te faire prendre conscience que tout n'est pas tranquille même si t'arrives à remplir la panse. Individuellement chacun prend ça, sa petite vie. Ce qui fait la force de Babylone, tu me suis. De la conspiration mondiale à la mort de la planète. Victime de notre culpabilité, attendre que cela pète. Je préfère vivre contestataire que soumis à la machine qui écrase les autres comme le Tibet par la Chine. Je frôle encore la censure et encore une fois j'assume. Dans ce texte c'est les politiques que je fume. Qui dirige le monde, ça t'inquiète, on sait pas. Tu sais pas ça. Qui finance les guerres, ça t'inquiète, on le voit pas. Non, non, tu le vois pas ça. Qui met en place les dictateurs, ça t'inquiète, on le dit pas. Tu sais pas ça. La censure est présente, ça t'inquiète, on le sent pas. Mais qui en merde, tu sais ça, c'est moi, tu sais ça. Qui dirige le monde, ça t'inquiète, on le sait pas. Je te le dis, tu sais pas ça. Qui finance les guerres, ça t'inquiète, on le voit pas. Non, non, tu le vois pas ça. Qui met en place les dictateurs, ça t'inquiète, on le dit pas. Ah, tu sais pas ça, tu dis pas ça. La censure est présente, ça t'inquiète, on le sent pas. Et qui emmerde, c'est ça, c'est moi, tu sais ça.